Le plus sûr sur antenne du 94 MHz Canal B en direct le lundi à partir de 21h30 ou en rediffusion le dimanche à partir de 23h. Également diffusé sur internet entièrement podcastable avec des podcasts permanents et aussi en streaming à partir du blog asile35.blogspot.fr ou du mixcloud.com/renman avec l'intégralité des playlists et des commentaires. Et vous pouvez en poster d'ailleurs. On va attaquer avec le grand retour de l'ex-batteur du groupe allemand Can, Jackie Liebzeit, qui d'ailleurs joue aussi de temps en autre aux côtés de Depeche Mode ces dernières années, qui revient en compagnie d'un multipercussionniste relativement peu connu, en tout cas en ce qui me concerne, Holger Mertin, qui est quelqu'un qui joue avec les gens du jazz et également aussi de la danse contemporaine. Il a fait aussi partie de projets de Eberhard Kranemann, qui était un ex-Kraftwerk, plutôt dans le registre Fluxus. Ils sortent ensemble un disque sous le titre Aksak, produit par Markus Detmer du label Stop Gold, l'excellent label du journaliste et musicien qui se surnomme Monsieur Croc, qui s'est délocalisé à Perpignan et qui tient aussi la boutique Kuguyu Records. Et Stop Gold qui sort beaucoup de choses, dont ce disque qui est assez surprenant, comme je vous disais, puisqu'il est, qu'il a été monté, mis en son par Joseph Sushi, qui est un expérimentateur guitariste. Et donc c'est assez curieux, parce que c'est la rencontre entre deux percussionnistes qui mélangent aussi des instruments à cordes avec beaucoup de production. Ça donne un résultat assez incroyable. Ça s'appelle donc Aksak, cette rencontre entre Jackie Liebzeit et Holger Mertin. Je propose d'attaquer la sélection de cette semaine avec le titre qui démarre, le titre liminaire de ce Aksak par Holger Mertin et Jackie Liebzeit. We'll be right back. deux titres pour bien se mettre en jambe dans les sélections de nouveautés de l'Asile le plus sûr de cette semaine. Tout d'abord, la rencontre entre Mr. Jackie Deepzeit et Holger Mertin. Ça s'appelle Aksak. C'est le grand retour du batteur de Cannes en compagnie d'un autre percussionniste pour un disque plutôt un peu percussion électro avec beaucoup de production, pas mal d'autres instruments associés dans le mix, qui est une tambouille préparée par Joseph Sushi, et c'est sorti chez Stop Gold, l'excellent label qui est actuellement basé à Perpignan, qui sort beaucoup de choses puisqu'ils viennent aussi de sortir un projet New Wave du milieu des années 80 totalement inconnu au bataillon, qui répondait au nom de Cocoon et qui réunissait notamment le vibraphoniste légendaire du free européen et de la scène allemande des années 60-70, qui avait été cofondateur du label Burst et aussi du Galaxy Dream Band, ainsi que le leader de 39 Clocks. Donc une drôle de formation, ce Cocoon, qui sort également en parallèle chez Stop Gold, qui devrait aussi sortir prochainement les musiques électro-acoustiques de Kostin Mihranou. On a enchaîné avec un extrait de l'incroyable compilation Nostra Signora della Tenebre, qui est donc une compilation autour du psychédélisme occulte italien, à qui l'Asile le plus sûr avait consacré d'ailleurs une spéciale au début du mois d'avril. C'était le lundi de Pâques très exactement, une excellente compilation qu'on attendait, double vinyle produit par l'excellent label Backwards, sur lequel on retrouve une petite quinzaine de formations, notamment Heroine in Tahiti, dont je vous ai pas mal parlé ces temps-ci, Cannibal Movie, Father Murphy, il y a aussi Ovo, donc c'est assez... c'est assez réussi, une compilation plutôt qui s'écoute un peu comme une genre de paysage sonore un peu goth sur les bords, et là on entendait Gianni Giuplena Rozace, que j'avais pas eu l'occasion de vous passer lors de cette spéciale, qui est un multi-instrumentiste qui officiait dans Movie Star Junkies et qui joue aussi actuellement dans la pyramide d'Issangué, monsieur Stefano Isaia, qui explore des ambiances plutôt méditerranéo-moyen-orientales et aussi assez marquées par les musiques nouvelles. Il avait sorti l'an dernier un split qui était plutôt pas mal aussi, en compagnie de Maria Violanza. Et donc une compilation totalement dantesque et al dente, dont je propose d'écouter un second extrait. Et là, il s'agit des Lay Lamas, dont je ne vous ai pas non plus proposé la musique lors de cette spéciale, et qui est un combo, je crois que c'est plutôt un duo ou un trio de musiciens originaires de Sicile, mais basés à Rome, qui avait sorti un disque notamment l'an dernier sur le label Rock Recordings, label britannique, sous le titre Ostro. Et bon, il y a pas mal d'occultisme aussi dans leur musique. Ils pratiquent apparemment depuis la rencontre d'un totem, ce genre de choses, et tout près de temples un peu antiques. Donc on va écouter le titre Palud par les Lay Lamas. Thank you. Sélection ultra groovy sur Antenne 94 MHz dans l'asile le plus sûr qui a démarré avec un second extrait de ce florilège Nostra Signora della Tenebre, donc une compilation qui rend un peu hommage au giallo italien, les films de Dario Argento, de Lucio Fulci et compagnie, plusieurs reprises aussi d'ailleurs de la musique des Goblins par notamment Heroin in Tahiti ou encore Father Murphy, qui est le groupe italien préféré de Michael Gira des Swans. Compilation que je vous recommande bien chaudement, puisqu'on peut y retrouver pas mal de groupes qui commencent à avoir pignon sur rue, notamment ceux qui ont signé sur Rocket Recordings comme les Mammutones ou encore Lay Lamaze qu'on écoutait en début de séquence, qui ont une musique assez formatée, assez groove, avec un côté un peu post-kraut sur les bords, et puis des formations beaucoup moins connues comme Cannibal Movie ou encore Erin in Tahiti, le fameux duo romain dont je vous rabats les oreilles régulièrement. Et donc une compilation vraiment réussie de bout en bout sur ces 15 titres que compose ce double double vinyle produit par l'excellent label Backwards. Bon, qui est une production lui aussi très très intéressante. On aura l'occasion certainement d'en reparler. Je vous avais passé aussi un extrait du nouvel album de My Cat Is an Alien, qui ne figure pas sur cette compile Nostra Signora della Tenebre, mais qui en sortit The Dance of Onirism. Il y a aussi des choses un peu plus expérimentales à paraître sur Backwards, notamment un nouveau disque solo de Mike Cooper, et également un projet entre Michel Andrissi, Rinji Fukuoka et Luca Massolin, ça s'appelle Weather Report, sans compter les pionniers de la musique industrielle tels que Maurizio Bianchi, qui produit également au sein du label Backwards. Et on a enchaîné cet extrait de Nostra Signora della Tenebre avec une autre compilation sous le titre Pas de deux, qui nous replongeait au milieu des années 80 en 1985, ce qui ne nous rajeunit pas, qui était une compilation d'électro-industriel qui était sortie sur un label espagnol qui répondait au nom de Auxilio de Cientos, qui a fonctionné jusqu'au début des années 90 à peu près, et qui avait sorti aussi d'autres compiles du même calibre, plutôt dans le domaine des musiques donc un peu industrielles, mais industrielles un peu dada. Sur cette compile Pas de deux figuraient notamment Les Deux Pingouins, qui était le side project de Sylvie et Jean-Philippe Fay du Déficit des années antérieures, ou encore Algebra Suicide, duo Spoken Words Guitar de Lydie Noix, qui avait sorti pas mal de choses jusqu'au milieu des années 90, ainsi que les Californiens Psyclones, qui était une sorte de groupe un peu à la Residence. On y retrouvait aussi des Allemands totalement inconnus au bataillon et des Espagnols tout aussi célèbres, comme notamment le groupe Diseño Corbusier, qui avait sorti aussi des disques, je crois, sur Auxilio de Cientos. Et là, ce qu'on entendait juste à l'instant était un petit inédit, enfin en tout cas quelque chose qui ne figurait pas sur leur disque, par le légendaire duo belge plutôt dada industriel Bene Gesserit, monsieur Bigala et Bénédicte G, qui sont actifs depuis 1980-1981 et qui continuent toujours à produire jusqu'à ces dernières années, donc pas loin d'avoir 35 ans, ce duo Bene Gesserit, qu'on trouvait également sur d'autres compilations du même type produits par Auxilio de Cientos, notamment les compilations Terra Incognita. Et ça vient tout juste d'être réédité par un label de Barcelone, Domestica Records, cette anthologie Pas de deux, et c'est plutôt pas mal pour se replonger dans la musique de cette époque, de ce qui pouvait aussi sortir dans le réseau européen ou américain sur cassette. Voilà, on va continuer avec toute autre chose. Et la musique de monsieur Taji Dorji, qui est un guitariste originaire du Bhoutan et basé à Asheville en Caroline du Nord. Et on le suit depuis quelques années. Il a commencé à produire des choses il y a de ça 4-5 ans à peu près, notamment avec des séries de cassettes. Et puis depuis 2 ans, il commence aussi à sortir des choses de manière un peu plus officielle, notamment un vinyle qui était sorti à l'initiative de Ben Chasny de Six Organs of Admittance, qu'on vous avait passé dans cette même émission. Et il vient de récidiver avec un nouveau vinyle sous le titre APA, sorti par l'excellent label, c'est des compatriotes puisqu'ils sont basés aussi à Asheville en Caroline du Nord, l'excellent Bathetic Records. Et juste pour info, donc APA est apparemment le mot utilisé au Royaume du Bonheur pour dire papa, parce que je crois que monsieur Taji Dorji vient tout juste d'être père pour la première fois. Voilà, donc ça c'était pour le carnet rose. On va écouter donc un extrait de ce qu'il peut produire, toujours de la guitare acoustique avec parfois des cordes préparées. Ça fait beaucoup penser à la musique de Taji Dorji, à une sorte de nouveau Derek Bailey. On écoute un extrait de ce APA. Bhagavatam Sena Blahulu Darulatamu Barang dikerja takkan sempurna Bila tak penuh menarungi Batu sudah diikat dibawa pulang. Adat dunia memang begitu. Benda yang buruk memang terbuang. Parang ditetak ke batang sena. Belah bulu taruhlah temu. Barang dikerja takkan sempurna bila tak penuh menaruh ilmu. Kayu cendana di atas batu sudah diikat dibawa pulang. Adat dunia memang begitu. Benda yang buruk memang terbuang. Barang ditetak ke batang sena, belah bulu taruhlah temu. Barang dikerja takkan sempurna bila tak perlu menaruhmu. Kayu cendana di atas batu sudah diikat dibawa pulang. Ada ke dunia memang begitu, benda yang buruk memang terbuang. Barang ditetak ke batang sena, belah bulu taruhlah temu. Barang dikerja takkan sempurna bila tak perlu menaruhmu. Bila tak perlu menaruhmu. Bila tak perlu menaruhmu. Bila tak perlu menaruhmu. Bila tak perlu menaruhmu. Bila tak perlu thank you. Une petite triplette de titres enchaînés pour triper sur l'antenne du 94 MHz dans l'Asie le plus sûr. On a attaqué avec Taji Dorji, guitariste originaire du Bhoutan et expatrié aux États-Unis depuis un petit paquet d'années déjà. Et là-bas, il y produit une musique plutôt singulière, une sorte de musique un peu déconstruite à base d'improvisation et de cordes préparées. Là, il s'agissait d'un nouveau vinyle produit par Bassetic Records sous le titre APA. Et c'est un album plutôt accessible de Taji Dorji, peut-être plus que les cassettes qu'il produisait ces dernières années. Alors je ne sais pas si c'est la paternité qu'il a s'agi, en tout cas un album qui fait plutôt dans le folk plutôt que dans le registre un peu Derek Bailey qu'on peut lui connaître. Et c'était enchaîné avec une séquence qui allait plutôt du côté d'une sorte de musique ethnique un peu tribale, mais de tribus très très lointaines de l'autre côté du cosmos. Tout d'abord Senyawa, qui est un duo metal hardcore expérimental javanais qui pratique une musique plutôt assez bizarre avec un instrument en bambou customisé. Et uniquement cet instrument et la voix. Duo qui existe depuis une petite dizaine d'années. Ils en sont à leur troisième album. Celui-ci s'intitule Menjadi. Il est sorti chez Morphine Records, l'excellent label berlinois fondé par le musicien électronique libanais Rabbi Beyani, alias Morphosis, qui produit plutôt des choses dans les musiques électroniques assez contemporaines et assez expérimentales aussi. On avait eu l'occasion d'en parler pas mal avec le duo américain Metasplice, par exemple. Et donc c'est assez inhabituel de voir quelque chose qui peut s'apparenter plutôt à de la musique un peu ethnique, extra-occidentale. Mais ça fait un petit moment que les Occidentaux s'intéressent à ce duo javanais, dont on dit souvent qu'ils font du death metal, mais en fait on pense plutôt à une sorte d'expérimentation avec des cordes triturées façon Tony Conrad. Pour ce duo Rouli Chabara et Wokir Suryadi, originaire de Yogyakarta, album très très surprenant et que je ne me lasse pas d'écouter le matin, voilà pour tout vous dire. Et on a terminé cette séquence avec la musique du polonais Piotr Kurek et un 45 tours Missing Pass Golden Dawn sorti par le label polonais BDTA. Piotr Kurek, qui est un compositeur et bidouilleur, qui travaille beaucoup pour le théâtre et la danse, qui est basé à Varsovie. Apparemment, il est aussi grand collectionneur d'instruments électroniques vintage. Il avait sorti, il y a de ça à peu près 5-6 ans, un CD chez Chronica. Il a sorti aussi des choses chez les Américains de Digitalis, label de Brad Rose. Donc, Piotr Kurek, qu'une petite production discographique, parce que je pense qu'il est plutôt occupé ailleurs. Mais en tout cas, ce 45 tours, qui est un less cut en fait, assez dur à trouver et vraiment très très bon. On va continuer avec, toujours dans le même registre, musique électro-acoustique polonaise, avec, avouez que les sélections de l'asile sont plutôt bien enchaînées. Après Piotr Kurek, je propose d'écouter Derek Piotr, qui est un jeune compositeur qui vit aux États-Unis, dont on vous a déjà passé la musique, notamment à l'occasion de son précédent opus qui était sorti chez Monotype, qui nous avait beaucoup plu, qui s'appelait Tempat, qui était plutôt basé d'ailleurs sur des gammes d'inspiration javanaise. Et donc il récidive toujours dans le registre électronique et voix, qui peut être très étonnant vu que c'est quelqu'un qui a été stagiaire de Meredith Monk. Il a collaboré aussi aux côtés de Richard Chartier et c'est d'ailleurs l'allemande Antigrai AGF qui signe la pochette de son cinquième opus. Il en est déjà à son 5e opus, il a tout juste 25 ans. C'est aussi quelqu'un qui a été nominé pour le prix Ars Electronica, pour vous montrer un peu le registre de la musique électronique qu'il peut produire. Et il s'agit d'un disque beaucoup plus électropop, une sorte de manière détournée de reprendre la musique pop chantée et principalement d'inspiration moyenne-orientale, mais avec des techniques de l'électronique contemporaine. On écoute la musique de Derek Piotr avec cet excellent disque Bahar qui vient tout juste de sortir sur le label Beat Phalanx. Bye. nouvelle triplette de sucreries enchaînées dans l'asile le plus sûr, avec tout d'abord le jeune compositeur d'origine polonaise, électroacousticien de son état, Derek Piotr, et son tout nouvel opus Bahar, qui était enchaîné avec d'autres musiques dans le registre contemporain, notamment la musicienne qui se produit sous le nom de Chra, C-H-R-A. Il s'agit de Christina Nemec, qui est une auteure viennoise, DJ, animatrice radio et télé, et aussi co-animatrice du label Comfort Zone, et qui officie par ailleurs au sein du trio Shampoo Boy, aux côtés de Peter Reberg alias Pita du label Mego. D'ailleurs, il y a un nouvel opus de Shampoo Boy qui vient tout juste de sortir sous le titre Crack. Et le troisième larron des Shampoo Boy, c'est Christian Schlachinger. Et là, il s'agit d'un disque qu'elle a sorti entièrement toute seule sous le titre Empty Airports sur le label Imego, comme de juste. Un disque plutôt très réussi, donc une musique électronique à tendance un peu gothisante, on pourrait dire, pour Christina Nemec alias Shra. Et on a terminé avec un projet qui existe depuis quelques années, mais qui est plutôt feignant, qui tarde à sortir quelque chose de manière un peu officielle. Il s'agit de Pig, Pig avec un Y, le projet entre Morgan Daguenet, alias Bertuf, dont on parlait la semaine dernière pour le concert qu'il donnait hier à la galerie Le Bon Accueil. On en discutait la semaine dernière dans cette même émission avec Damien, le directeur artistique de la galerie Le Bon Accueil. Et pour Pig, il est aux côtés de monsieur Éric Pougnou, Christophe Campion, David de Guillochet, François Goujon. Je crois que c'est une formation un peu à géométrie variable. Et là, c'était le titre Hawaii Police Static, qui est la musique du film d'Olivier Jagu du même nom de 2009, que vous pouvez d'ailleurs regarder, je crois, sur internet, et sur que vous pouvez retrouver ce mercredi pour la soirée inaugurale ou de deuxième inauguration du festival Rennais Oudak, qui commence ces jours-ci à partir du 20 mai et jusqu'au 7 juin, avec donc une soirée de projection au Jardin Moderne à Rennes, avec notamment des vidéos de Florian Texier, également un live de Yomai, un ex-musicien du groupe Mills d'ailleurs, comme Bertuf, qui se produira avec Mich Willet, ainsi que des dispositifs, un dispositif à base de bricolage sonore, visuel, de slide show, tout ça pour cette soirée d'inauguration dans le cadre de la 5e édition du festival Oudak, et donc soirée inaugurale autour de la thématique du piratage, et avec notamment pour terminer la soirée d'ailleurs un dance floor des Poliniers Bros, festival Oudak autour des images nomades et poétiques, qui a lieu à Rennes ces jours-ci, avec pas mal de choses, donc jusqu'à dimanche, ce dimanche 24 mai. Vous devrez trouver le programme d'ailleurs un peu partout en ville ou à partir du site Oudak, OOD2AQ. Programmation plutôt autour de la vidéo, et de la vidéo mise en valeur avec, dans sa confrontation avec différentes formes artistiques. Alors, il y a des conférences, il y a aussi donc des projections, notamment une carte blanche à la structure nantaise MIR, ce sera samedi prochain en fin de soirée aux portes Mordelaise à 22h, ce qui risque d'être plutôt pas mal. Il y a aussi un banquet participatif et aussi le concours international de pétanque des Ateliers du Vent ce dimanche et un vernissage à ne pas manquer. On en parlait aussi la semaine dernière en compagnie de Damien du Bon Accueil, vernissage de la plasticienne norvégienne Una Hamilton Ely autour du métal et du black metal à partir de ce vendredi 23 mai et jusqu'au 4 juillet, avec pas mal de choses pour ce vernissage aussi. Au Bon Accueil vendredi, notamment une sélection vidéo également, un barbecue, une sérigraphie sur t-shirt grâce à la presse purée. Voilà par exemple pour cette soirée du festival Oudak, inauguration donc de l'exposition Becoming the Forest. Donc tout ça est plus ou moins en entrée libre, mais entrée libre, participation libre, puisqu'il faut aussi soutenir les activités du festival Oudak qui se poursuivra donc à Nantes le week-end suivant entre le 29 et le 31 mai et après à Saint-Malo entre le 4 et le 7 juin. Plus d'informations sur les dépliants qui sont un peu partout en ville ou à partir de leur site internet. On va enchaîner avec tout autre chose, un autre type de son et la musique de du musicien jazz contemporain, batteur de son état, Thomas Fujiwara, qu'on connaît notamment pour ses participations aux orchestres de Anthony Braxton ou encore aux côtés de Taylor au Binum. Là, il est dans un projet sous son nom, le Thomas Fujiwara and the Hook, et le disque After All Is Said, qui est sorti sur 482 Music. Et on l'y retrouve aux côtés de Michael Formanek à la contrebasse, qui se fait beaucoup, très très bien entendre sur les différentes pièces de ce disque. La guitariste Marie Halvorsson également est de la partie. Et il y a une section de soufflant pas très connue, Brian Setless au sax, ténor et flûte, et Johan Fileson qui est à la trompette. Et donc Thomas Fujiwara qui compose les pièces et qui joue de la batterie. Je vous propose d'écouter ce Thomas Fujiwara and the Hook Up After All Is Said. We'll be right back. La formation du batteur contemporain américain, de jazz contemporain américain, Thomas Fujiwara, avec le disque After All Is Said, avec Marielle Vorson à la guitare, Michael Formanek à la basse, Brian Settles au ténor sax et Jonathan Finlayson à la trompette. Un disque plutôt très réussi dans le registre et dans les compositions donc du batteur dont on parle pas très très souvent d'ailleurs, Thomas Fujiwara, mais qui fait des trucs plutôt pas mal. Voilà, l'émission est quasi terminée. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de la playlist et les podcasts et écoutes en stream à partir du blog de l'émission asile35.blogspot.fr ou du mixcloud.com/redman. Juste une petite dernière information concert aussi si vous êtes à Rennes ces jours-ci, un concert de musique chinoise traditionnelle à la Maison des Associations, donc au niveau du Liberté, juste au-dessus de nos têtes et des studios de Canal B. C'est ce mercredi 20 mai, concert de musique traditionnelle chinoise. Alors, je ne connais pas du tout les musiciens. Apparemment, ils sont en tournée en Bretagne. Ils joueront aussi à la fac de Brest ce vendredi 22. Et vous avez plus d'informations sur le site confuciusbretagne.org. On va se terminer non pas avec un dernier album, mais deux. Et on attaque ce doublon pour conclure l'émission avec un incroyable disque du contrebassiste d'origine australienne Mike Majowski. L'album s'intitule Neighboring Objects. Il est sorti chez Astral Spirit. Et c'est un contrebassiste qui s'est déjà illustré par un autre solo l'an dernier sur le label polonais Bossian Records, qui était vraiment très très bon. Et donc il récidive sur la subdivision du label Monophonus Press avec une cassette sous ce titre, donc Neighboring Objects. Une cassette et aussi téléchargement de cet excellent album. De face de titres enchaînés. On écoutera un petit extrait donc de ce disque solo absolu à la contrebasse de Mike Majkowski, qui sera enchaîné pour vraiment conclure cette fois-ci avec la musique de l'électroacousticienne Bérangère Maximin, qui revient en ce mois de mai avec un nouvel opus. Ça doit être le quatrième ou le cinquième depuis son tout premier disque inaugural, qui était sorti sur le label de John Zorn Tzadik il y a de ça un petit paquet d'années. Celui-ci sort ces jours-ci sur l'étiquette belge Cram de Disques sous le titre Dangerous Orbits. Et je vous propose de conclure aussi l'émission avec un bout d'une longue pièce qui s'appelle OOP, qui est l'acronyme de Our Own Planet, qui sera une musique vraiment propice pour le décollage à la verticale. Et je vous souhaite une excellente nuit, une très très belle semaine. À bientôt.